et bienvenue sur Comic Stories pour le 312e épisode de notre podcast. Un épisode qui intervient, comme promis, assez rapidement après le précédent, puisque nous avions encore pas mal de choses à vous dire. Et je suis accompagné pour cette deuxième partie, on va dire, par Boris. Bonjour. Et par Clément. Bonjour. Et beau respect de l'ordre alphabétique cette fois-ci. Oui, t'as vu, j'apprends. Tu travailles d'une fois sur l'autre, c'est bien. Oui, j'apprends. Je trouve qu'il y a du progrès. Est-ce qu'il y a du progrès du côté de Clément ? On va voir du coup, puisque c'est lui qui va ouvrir le bal en nous parlant série télé et Superman et Lois. Et oui, il me semble que j'avais parlé du pilote, je crois, il y a plusieurs podcasts de ça. Même des épisodes 2 et 3, je crois, déjà à l'époque. 2 et 3, donc là on a l'épisode 6, j'ai pas encore vu le 7e, mais néanmoins ce qui m'empêche de faire un retour, puisqu'il y a une grosse pause estivale. Et alors... Bon, comme c'est sur CW, on pouvait craindre que la série allait perdre en qualité. Et c'est très, très, très loin d'être le cas. Et franchement, c'est une des plus grosses surprises que nous a fait CW. Il s'émancipe totalement de tous les aspects négatifs des séries du CW-verse, et Dieu sait qui en a. Et là, ils abordent des thématiques super intéressantes, des personnages, parce qu'en fait, la force de la série... C'est des personnages, quand la série parle Superman and Lois, c'est vraiment Superman and Lois, mais j'aurais tendance surtout à dire Superman and Lois et ses gosses. Parce que pour rappel, ça traite surtout de la vie de famille de Superman et de Lois. Et donc il y a tout un tas de développements original, parce que du coup ça s'éloigne quand même du comics, puisque là on a quand même deux jumeaux. Mais néanmoins, ça donne des développements super intéressants. On a des enjeux qui sont intéressants, l'histoire est vraiment prenante, les effets spéciaux sont pas dégueulasses, on sent que CW mise quand même sur cette série, et les acteurs non plus, hein, même Superman, alors l'acteur je sais jamais, Tyler Hawkins, non, c'est ça, il laissait quand même un brin dubitatif dans Supergirl notamment, là, s'en sort plutôt bien, et on a vraiment un Clark Kent qui doit être confronté à la fois à sa vie de Superman et les difficultés ça emporte, et également sa vie de famille. Et en fait, le côté le plus intéressant de la série, c'est sa vie de famille et tous les aspects autour des personnages. Et donc, ça donne une série qui est plutôt dynamique, qui prend le temps de poser les enjeux. Et surtout, qui prend le temps de développer les personnages. Et ça, c'est sans doute un gros plus. Parce que moi, quand je regarde la série, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est vraiment par rapport aux personnages. L'histoire est intéressante. Il y a des aspects qui sont intéressants. On sent possiblement, en toile de fond, qu'il y a toujours les conséquences de la crise. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment les relations, notamment entre les frères jumeaux. Et on n'est pas dans tous les mauvais aspects des séries CW. Donc c'est vraiment une grosse surprise, mais dans le bon sens du terme. Pour avoir lu des critiques ci et là, je crois que les avis sont assez unanimes. Ou franchement, même moi, j'en attendais sincèrement pas grand-chose de la série. Et en fait, j'en reviens à me dire que la série est vraiment ultra plaisante, parce que ils sont fidèles à l'univers, mais il y a un degré d'adaptation et une volonté de créer quelque chose qui est clairement présente. Donc c'est vraiment, je vais pas spoiler parce que je pense que ça mérite d'être découvert, mais ils ont le mérite de vraiment proposer quelque chose. Donc la question, c'est à voir est-ce qu'ils arriveront à tenir sur la saison 2, parce qu'il y aura une saison 2. Mais en tout cas, là, je crois qu'on doit être à quasiment la moitié de saison. Pour le moment, c'est une réussite. Il n'y a vraiment, il n'y a pas eu de baisse de régime. Malheureusement, la grosse pause de 2-3 mois a été assez fatale au niveau des audiences de la série. Mais en termes de qualité, franchement, ça n'a rien à voir. Disons que ça a le mérite de vraiment proposer quelque chose, et que c'est un traitement en fait qui est tout à fait intéressant si on devait comparer. Donc beaucoup avaient dit à juste titre que la série s'inspirait dans le ton de Man of Steel, notamment au niveau de la couleur. Enfin, j'ai un trou noir sur le terme. Ce qui est vrai. En revanche, on a, par exemple, un Clark Kent qui est quand même qui tire moins la gueule, quoi. Je trouve qu'on a un Clark Kent qui est plus proche des comics que ce qu'on peut connaître habituellement, et c'est encore plus intéressant avec son rôle de père. Et Loïs est vraiment mis en valeur. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Loïs dans cette version. On retrouve tout le côté vraiment journaliste d'investigation, mais journaliste qui, en fait, en a rien à foutre de mettre sa vie en danger et qui ose, qui n'hésite pas à se confronter aux personnes qu'elle soupçonne. Et voilà, une Loïs intrépide, donc une Loïs qui est, je trouve, proche des comics. Donc c'est vraiment une très bonne réussite. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se terminer. Et ce qui a peut-être une des réussites, c'est que, curieusement ou pas, la série ne fait nullement mention des autres séries du CW. Donc ça pose question. Mais en tout cas, preuve en est que quand CW souhaite faire quelque chose, souhaite proposer quelque chose, et qui n'est pas forcément dans un aspect ultra connecté, bah ça donne des choses tout à fait intéressantes. Ok, très bien. Eh bien, ça m'a toujours pas donné envie de regarder, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé une série, que ce soit CW et même les autres, en dehors de Disney+, quelques épisodes par-ci par-là. C'est vrai que j'ai un peu lâché les adaptations. Mais bon, ça reviendra. On va passer aux comics VO maintenant, du coup, avec, je crois, pour commencer, Boris, puisque tu vas attaquer avec les trois premiers épisodes d'une série indé. Oui, avec Giga, publié chez Volt, qui n'est pas du tout une série récente, puisqu'elle a commencé déjà en début 2021. Mais j'ai rattrapé mon retard, parce qu'elle me tentait bien, mais je n'avais pas commencé. Et donc il y a eu trois épisodes et ça s'est arrêté en mars et puis ça va reprendre en juin. Alors je sais pas trop parce que les trois épisodes, enfin la fin du troisième, c'est pas la fin d'un arc, hein, donc je sais pas, peut-être qu'il y a eu une petite pause, ils avaient un peu de retard. Donc ça va reprendre le 4 en juin et le 5 en juillet. Alors Giga, c'est scénarisé par Alex Pacnadel, c'est dessiné par John Lee, colorisé par Roche et lettré par Aditya Bidikar, lettreur qu'on retrouve sur 90% des séries indées. Si vous jetez un œil sur les crédits, il revient partout le monsieur. Alors Giga, c'est une série de SF dans laquelle des robots géants ont mené une guerre acharnée pendant des siècles. Alors il n'y a pas de contexte, on ne sait pas, voilà, on ne connaît pas bien le passé. Il y a eu une sorte de trou de mémoire général. On ne sait pas, on ne connaît pas exactement l'histoire. Mais bon, ce sont des robots géants qui ont participé à une guerre. Et puis une fois la guerre terminée, bah, ils ont cessé d'être utilisés et sont devenus des habitats, on va dire, voilà, pour les gens. Et un jeune ingénieur va enquêter un petit peu. Un rebelle, on va dire, par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et il va s'apercevoir, parce qu'il est ingénieur en technologie, que un des fameux robots ne s'est pas arrêté de lui-même à la fin de la guerre, mais a été assassiné. Et donc ça va ébranler un petit peu la société. Alors c'est une société fasciste, menée par la religion essentiellement. Voilà, donc il y a tout ce contexte qui est mis en place. Alors... j'ai beaucoup accroché à cette série. Je trouve que c'est super bien fichu. Alors il y a à la fois des histoires intimes entre les personnages et puis ensuite une histoire générale en parallèle. Donc ça c'est bien équilibré. Et puis c'est bien écrit, bien dessiné. J'aime beaucoup le trait de John Lee et la couleur de Roche. Ça fait un dessin un peu gay entre guillemets, joyeux quoi. C'est pas du tout sombre comme dessin. Alors que l'univers, lui, par contre, est assez sombre, assez, avec cet empire tyrannique et fasciste. Franchement, c'est une bonne série indé que j'ai découverte et que j'ai bien aimée. Les trois premiers épisodes s'enchaînent bien, il n'y a pas de longueur, pas de trou. C'est vraiment... ça se construit bien, petit à petit. Et voilà, je suis lancé, je vais continuer. J'espère que ça va continuer sur le même niveau, mais... voilà, si vous aimez les séries de SF indé, c'est une bonne pioche cette petite série là. Voilà. Eh ben cool, c'est vrai que il y a eu un petit trou effectivement, je me demandais. Il y avait vraiment pas, on va dire, l'impression d'une fin d'arc, puis une arc en 3, ça habituellement, c'est quand même un petit peu plus. Les éditeurs comme ça, c'est plus rare, oui. Ouais. Donc mais bon, comme ça reprend en juin, peut-être que voilà, ils avaient un petit retard et ils ont décidé de décaler pour pas peut-être. pas faire un épisode tous les deux ou trois mois, plutôt regrouper quoi. Donc, mais là pour l'instant le 4 est annoncé le 23 juin et le 5 le 21 juillet. Donc ça devrait repartir de plus belle. Là. Mais c'est voilà une série à laquelle j'ai bien accroché. Je suis bien content d'avoir attrapé mon retard. Une des bonnes séries, des nombreuses bonnes séries de chez Volt. Et une des nombreuses séries qui se trouvent dans ma pile. La fameuse pile. Aussi haute que les robots de Giga. Peut-être. Sans doute. Une série qui n'est pas dans ma pile, je suis à jour sur celle-ci. Clément, tu vas commencer avec le numéro 1, puis je dirai rapidement oui. Deux mots de mon avis, et puis j'étendrai peut-être par le numéro 2. C'est la nouvelle série Robin. Oui, oui. Qui a été annoncée un peu avec une certaine surprise. Enfin, quand j'ai vu qu'elle y était, j'ai tout de suite souhaité la lire, parce que on n'a pas eu réellement... Alors, bien sûr, on avait toujours Robin, mais on n'a pas eu de titre propre à Robin depuis des années. Le dernier titre vraiment qui était concentré sur Robin, ça restait quand même Batman and Robin à l'époque de Gleeson et de Tomasi, donc New 52. Donc là, on a un titre qui est écrit par Joshua Williamson avec au dessin Gleb Melnikov. Donc moi, je n'ai pas encore lu le 2, néanmoins, j'ai lu le premier numéro assez récemment, qui est sorti le mois dernier. J'ai trouvé que c'était un bon numéro d'introduction pour une nouvelle série, du moins, qui pose les bases. J'ai trouvé très intéressant parce qu'on sent bien que la série va traiter des conséquences, bon, Infinite Frontier, mais surtout des conséquences de la mort d'Alfred, ou en tout cas, on part de ce principe-là. Et tout simplement, Damian qui va souhaiter participer à. La ligue, je sais pas comment ça va se dire en VF, sûrement la ligue de Lazare, je pense. Lazarus, ouais, ça doit être ça. Oui. La ligue de Lazare, et tout va partir de là. Donc, il n'y a pas énormément de choses parce que c'est un premier numéro. Mais néanmoins, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le personnage de Robin. On sent que Robin a, alors j'allais dire sa crise, mais à mon avis, c'est plus une question comment il va peut-être traiter le deuil d'Alfred parce qu'il y a, il y a des aspects plutôt sympas et on est sur un clip de fin qui est pour le moins intriguant. Bon, on se doute bien qu'il va avoir une résolution, forcément, notamment dans le numéro 2, mais néanmoins, le premier numéro m'a plutôt laissé une bonne impression. J'ai bien aimé, il faut voir comment ça va être par la suite, mais je pense que avec l'arrivée d'un nouveau personnage, j'imagine que la relation entre les deux personnages va sans doute être intéressant, surtout qu'on a quand même le personnage de Damian Wayne qui est quand même, je trouve, le Robin, un des Robins les plus intéressants. Donc, j'ai plutôt un bon avis sur ce premier numéro. C'est pas oufissime, mais je trouve que c'est un très bon numéro d'entrée. Ou en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait l'essence du personnage. Oui, c'était un numéro sympathique. Ça fait plaisir de retrouver Robin, mais aussi de retrouver Joshua Williamson après son run de Flash, de voir un petit peu ce qu'il a proposé. Donc c'est aussi sur son nom que j'y suis allé aussi. Il nous fait quelque chose qu'il a déjà fait sur Flash, en nous créant cette Lazarus League dont personne n'avait entendu parler, mais qui en fait existe depuis toujours, etc. Voilà, ça fait penser à d'autres choses qu'il a fait sur Flash, avec la multiplication des forces notamment. Mais là encore, ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, tu l'as dit, hein, le cliffhanger du numéro 1 doit avoir une résolution. Elle a lieu dans le numéro 2, c'est quelque chose d'assez logique, d'assez finalement convenable, presque prévisible, mais bon, ça fait le job, ça a sa résolution. On continue le tournoi surtout, parce qu'on se lance dans un tournoi. C'est rigolo de voir une série Robin qui emprunte presque des codes de certains mangas. Ouais. Dragon Ball, notamment. Notamment, parce qu'on est clairement dans un tournoi à la Dragon Ball, et comme on en peut voir dans d'autres seinen, shonen. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne, mais j'attends plus pour le moment. Je suis un peu sur la réserve encore. C'est Williamson, il fait bien les choses, il démarre bien les choses. Maintenant, j'attends plus de lui sur un personnage comme Robin. C'est encore un peu facile, je trouve. Mais je resterai là pour les prochains numéros, évidemment. Boris, tu lis pas toi ça? Non, j'ai renoncé à cette catégorie de comics. Peut-être qu'il faudra que je m'y remette, mais à part Nightwing, dont on va parler. J'ai tellement de séries indé qui me plaisent là en ce moment. Puis c'est vrai que DC m'a quand même beaucoup déçu à l'automne dernier. Hein. J'avais fait un petit édito expliquant mon point de vue. Pour l'instant, j'ai pas, ça me donne pas plus envie que ça de reprendre quoi. Quitte à relire du DC ou du Marvel, même si je continue quand même certaines séries Marvel, mais du DC notamment, je préfère me plonger un peu dans des vieux titres à la bonne réputation et que je n'ai pas encore découvert, plutôt que de me lancer dans ces nouvelles séries qui, bon, me vendent pas trop du rêve pour l'instant. Donc voilà mon avis sur Robin 1 et 2. Je comprends. En tout cas, ouais. Moi, comme je dis, il me faudra un petit peu plus, même si le nom de Robin et le nom de Williamson sont capables de me faire tenir assez longtemps. C'est pas encore le coup de cœur que j'espérais ou que j'attendais. Mais ça le deviendra peut-être. Tu parlais de séries indées, Boris, on va y revenir du coup, puisque la plupart des séries dont tu vas nous parler aujourd'hui sont indées, à l'exception de une ou deux peut-être. Et on va revenir sur l'indé. Je crois que c'est chez Dark Horse. Et je crois que c'est Matt Kint. Mais tu as tout bon. Félicitations. Oh. Très bien, tu as bien suivi. C'est Fear Case, donc mini-série en 4 parties de scénarisée par Matt Kint, donc je vais voir tous les projets qui sortent. Alors il y a ça va du très sympathique à l'excellent. Voilà. Bon, je, pour l'instant, j'ai pas été déçu par Matt Kint dans ses publications récentes. J'ai même du retard en VF sur MGMT. Il faudrait que je rattrape. C'est dessiné par Tyler Jenkins et colorisé par Hilary Jenkins, qui ont déjà travaillé avec lui sur Black Badge et sur un autre titre dont je ne me souviens plus du titre à l'instant. Alors, c'est un thriller en 4 parties. Là, moi, je vais parler des 3 premiers, parce que le 4, il est sorti, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est l'histoire de deux flics qui sont chargés d'un mystérieux cas qui occupe depuis très longtemps diverses équipes policières. Alors là, ce cas-là a la réputation de rendre fous ceux qui enquêtent dessus, et donc on leur donne en général un an pour enquêter et essayer de résoudre ce cas. Et si c'est pas le cas, bah on leur retire l'affaire. De toute façon, ils deviennent à moitié frappadingues. Et là, on arrive en cours d'enquête, on va dire. Et dans le numéro 1, il recueillait des indices qui les amenaient de plus en plus proches de ce mystérieux cas. Alors en fait, le case, c'est, il y a un jeu de mots avec cas et la valise. Donc c'est une histoire d'une valise que les personnes reçoivent, et on leur dit si tu as quelqu'un à qui tu souhaites du malheur, bah fais lui passer la valise, parce qu'il va lui arriver des gros problèmes. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée, et ils sont à la poursuite de cette fameuse valise dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, ce qu'elle contient, mais qui en tout cas effectivement rend ma boule ceux qui en prennent possession et qui en viennent à commettre des méfaits assez sanglants et assez violents. Donc c'est un petit peu une course-poursuite entre cette fameuse valise et les deux policiers. C'est assez... alors l'expression qui me venait en tête quand j'ai lu... au fur et à mesure ces 3 épisodes, c'est vénéneux, c'est-à-dire que ça rentre dans l'esprit des personnages et ça les rend fous, qu'ils soient simples kidam à qui on envoie la valise ou ces deux policiers qui au départ font équipe. Alors ils ont pas l'air super potes non plus, ils se tirent un peu la bourre, mais petit à petit voilà, il y en a un des deux qui va finir par a priori basculer. C'est un petit peu le qui va se passer dans le 3, donc je ne sais pas comment ça va se conclure, mais je pense que ça va être assez chaud. C'est du très bon Matt Kint. Le premier épisode, je me demandais un peu où ça allait, c'était pas très clair, et puis au final, la lecture du 2 puis du 3, ça se lit vraiment bien. Il y a une vraie tension, un vrai suspense qui m'intrigue bien. En termes de dessin, c'est du Tyler Jenkins, hein, donc pour ceux qui connaissent, il faut apprécier. Je pense que pour certains lecteurs, c'est pas beau, on va dire. Moi, j'aime. Il faut s'habituer. Le premier épisode, là aussi. Pourtant, j'en ai lu des choses qu'il a dessinées. Il a fallu un petit temps d'adaptation pour se remettre dedans, notamment au niveau des visages et des personnages. C'est un petit peu particulier. Par contre, Hilary Jenkins fait toujours une colorisation sublime, une colorisation peinte. Là, dans des tons pastels qui rendent vraiment bien cet esprit inquiétant et vénéneux du titre. Je suis vraiment bien accroché. En 4 parties, c'est peut-être suffisant, parce que l'intrigue de base ne mérite peut-être pas davantage de développement. Et puis, de toute façon, il a écrit en 4 parties. Mais non, franchement, un bon cru Matt Kint. un bon polar bien sanglant aussi, parce qu'il y a quand même quelques planches un peu gore, hein, qui se font plaisir. Je suis assez impatient de lire la dernière partie. Alors j'en ferai une review écrite quand ce sera fini, je ferai un tiré global. Mais en comparaison de quelques-unes qu'il avait faites qui étaient sympas mais sans plus, là c'est une très bonne mini-série de Mankind. Si vous aimez un petit peu les thrillers et que bon, le dessin ne vous rebute pas, je conseille fortement. Puis c'est en 4 épisodes, donc c'est assez court. Très bonne pioche encore une fois. Parce que voilà. Marqué, c'est les couvertures toutes noires. Oui, les couvertures sont sympas, effectivement. Toutes noires avec juste un dessin bien glauque, on va dire. Avec là j'ai le numéro 2 sous les mains, une tête de mort, une voiture. Voilà, ça donne vraiment l'esprit de la série. Par contre, à l'intérieur, c'est pas sombre. Enfin, c'est pas le même type de dessin, évidemment. Mais c'est vrai que les couvertures sont sympas. Ouais. Ça, les quatre réunis, ça doit faire un beau petit truc. Mais bon, ouais, bonne. Moi, j'accroche bien. Oui, ça m'a presque donné envie à un moment, mais. Mais c'est dans la pile. C'est pas encore dans la pile, mais. Non, c'est pas dans la pile, non. Ça arrive pas à monter. C'est trop haut maintenant. Faut faire des choses. Tu iras peut-être en TP. Peut-être. Et encore. Non, vraiment, c'est chaud, il y a trop de trucs qui sortent. C'est compliqué de lire tout ce qui nous tenterait en ce moment. D'ailleurs, on va parler d'une série que tu as arrêtée. Bah oui, c'est pour ça aussi. Si tu continues ce genre de série qui sont pas bonnes, il faut. C'est pour ça que ta pile est sympa. Bon, je te laisse commencer. Allez. On va parler de Radiant Black. Bah, je te propose. T'as parlé du numéro 1, toi, dans un épisode déjà ? Oui, alors, j'en ai parlé du numéro 1. J'avais trouvé ça trop classique. Sans originalité, j'ai trouvé que c'était pas très bien écrit. J'avais été un peu sévère. Après, j'ai lu le 2. Oui. Je me suis dit, je vais laisser une. Et là, ça m'a achevé. Parce que j'ai trouvé c'était encore plus fade et j'ai trouvé que la résolution était. Parce qu'il y a un personnage, le Radiant Rouge. Je sais pas comment on l'appelle, puisqu'il y a longtemps que je l'ai lu. Enfin, celui qui commettait des larcins, là. Oui. Et à la fin du 2, il se passait rien, il n'y avait pas de tension, pas de suspense. Et puis le personnage était sans saveur, je trouvais. Donc bon, il y a tellement de trucs à lire que j'ai dit stop. Maintenant, je vais te laisser la parole, tu vas sans doute essayer de me convaincre que finalement c'est génial. Je n'ai pas eu le temps de lire le 4, tu m'avais conseillé de jeter un œil. J'ai juste feuilleté un petit peu, et c'est vrai qu'en termes de... Juste en feuilletant, ça paraît plus original, plus engageant que les deux premiers. Maintenant, j'ai pas eu le temps de le lire, donc puis bon... Radiant Black, on le rappelle, ça nous parle de l'histoire de Nathan, qui est un écrivain un peu raté, enfin, qui a fait un succès, et puis qui est depuis un peu poussé au cul par son éditeur pour faire son deuxième livre, et qui n'y arrive pas. On n'est pas loin de l'écrivain raté, comme on peut le voir dans beaucoup de fiction. Voilà. On manque d'inspiration après un premier succès, tout ça, tout ça. Et puis un soir, il va croiser le chemin du Radiant, qui est une sorte de trou noir, d'espèce de sphère un peu noire qui va entrer en contact avec lui et qui va lui donner des pouvoirs, une espèce d'armure, etc. Et puis effectivement, tu le disais, il y a son espèce de contrepartie rouge, qui est le même que lui, mais en rouge, et qui a l'air très plutôt méchant, qui commet effectivement des cambriolages, etc. Ce numéro 4, enfin moi, numéro 1, 2, 3, on m'avait déjà plu, hein. Je trouvais ça plus original que ce que toi tu avais trouvé, parce que j'accrochais plus au personnage principal de Nathan. Et je pense que si t'as pas ça dans les trois premiers épisodes, c'est compliqué. Si t'as pas cette espèce d'accroche avec le personnage, avec ce que nous raconte Kyle Higgins en dehors de juste l'histoire du Radiant. Quand il nous parle, ça m'avait pas. Quand il nous parle du personnage en tant qu'écrivain, avec ses problèmes de vie quotidienne, etc. Ça m'avait pas accroché cette partie, ouais. Si t'accroches pas à ça, bah tu as plus de la moitié des trois premiers épisodes à côté desquels tu passes. Forcément, je comprends que tu décroches. Mais maintenant, je comprends pourquoi Kyle Higgins avait fait ça, après la lecture du numéro 4. Je vous poserai juste une question. Tu as lu Invincible ? Oui. Que pensais-tu d'Invincible avant le numéro 6 ? Tu essayes là, de me piéger lamentablement. C'est lamentable. On voit où tu veux en venir. pour lire, être en pleine lecture d'Invincible, je vois totalement... Même alors, si tu dis pas le titre, où tu veux en venir, c'est bas, c'est très bas. Ouais. Mais je vais répondre avec une totale bonne foi. Dès le premier épisode, c'était génial. C'était la meilleure série de super-héros. Non, le premier arc était moyen, on va dire. globalement. Et ça avait du mal à se lancer. Et puis c'est passé un truc à la fin voilà. du numéro 6. Voilà. Bon, bah, il se passe Allez, un truc t'as... à la fin du numéro 4. T'as voulu... Kyle Higgins nous a menés en bateau. Voilà. Il nous a fait des trucs, il nous a raconté des choses. Et bah, il renverse un peu tout à la fin de l'épisode 4. Et là, on se dit, ok, tu m'as accroché, maintenant je veux savoir. Maintenant, je veux voir. Il nous a fait à la fois une Kirkman sur Invincible et une Tom Taylor. Voilà. Et moi, ça a fini de me convaincre. Je me suis dit, allez, ces trois premiers épisodes, ils sont sympas quand même. Le personnage, il est cool. Il y a pas mal de questions qui se posent autour du Radiant, qui est ce Radiant rouge, etc. Bon, j'ai même discuté avec quelques personnes qui font des théories par rapport à ce rouge, qui pensaient que c'était quelqu'un que c'était le Nathan du futur qui revenait, etc. Enfin, ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes à propos de tout ça. Et bah, à la fin de ce numéro 4, forcé d'admettre que bah, non, on s'est tous plantés, quoi. Kyle Higgins voulait nous raconter autre chose, il voulait partir dans une autre direction. Et il fait presque une lettre d'excuse à la fin dans son petit... Il y a toujours la petite page de courrier, la petite page où le scénariste fait ses petits commentaires, adresse un petit message au lecteur, à la fin des comics, surtout chez Image. Et là, c'est rigolo, parce que son petit message du numéro 4, c'est presque un mot d'excuse. Genre, ne prenez pas mal ce que j'ai fait. C'était possible, j'avais des raisons de le faire, etc. Vous allez voir. Genre, presque, il nous convient. Il essaie de nous convaincre de rester après sa trahison. Donc c'est cool. C'est cool. Je peux pas dire ce qui se passe. Je peux pas. J'ai donné déjà beaucoup trop d'indices. Mais effectivement, quand Image nous teasait le numéro 1, nous disant que les fans d'Invincible et de Power Rangers et de choses comme ça allaient se retrouver dans cette série et que cette série était faite pour eux, bah, j'ai plus tendance à le croire maintenant. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux autres, des événements qui sont un peu inattendus, et on se dit, s'il nous fait ça dans le numéro 4, qu'est-ce qu'il va nous faire dans le 8, dans le 10, dans le je sais pas combien, tout est possible maintenant. Et ça, c'est assez intéressant, c'est assez presque excitant de savoir que tout est possible et qu'on va s'investir dans des choses, qu'on va nous bouleverser, qu'on va nous retirer, qu'on va nous détruire. Ouais, j'aime bien ce qu'il a fait. Franchement, j'aime bien ce qu'il a fait sur le numéro 4. Le numéro 4, c'est un petit coup de cœur, hein, franchement. Ça aurait pu être une série que je continue, mais en TP. En me disant, voilà, c'est sympa, je vais continuer en TP, j'aime bien. Maintenant, bah, il est clair que non, quoi. Je veux le suivre mensuellement, ce truc-là. Donc pour moi, Kyle Higgins a réussi son coup. Marcello Costa au dessin, c'est bon. C'est dynamique, surtout sur ce fameux quatrième numéro. Où il s'exprime un peu plus, je trouve, que sur les précédents. Il a plus de scènes pour s'exprimer, de planches où il peut s'exprimer en grand. Franchement, ça, le tandem fonctionne bien. Donc je peux juste vous dire, ben, commencez Radiant Black. Lisez les trois premiers. Si vous n'accrochez pas à cette première moitié, à ces trois premiers épisodes, à toutes ces parties un peu narratives autour de la vie du personnage, etc., accrochez-vous et allez au moins. Voilà, c'est la série qu'il faut au moins lire jusqu'au numéro 4. Je pense qu'il faut lire le premier TP au complet. Je crois que le premier TP s'arrêtera au 5 ou 6, mais je pense qu'il faut vraiment lire ce TP au complet pour se faire un avis sur ce qu'est la série et ce qu'elle va être, surtout après ce qui vient de se passer. Et je n'en dirai pas plus pour la défendre. J'irai voir. J'ai essayé de prendre le temps d'aller jeter un œil. Mais bon. Après, forcément, tu risques d'avoir l'effet de je te l'ai survendu. Mais je prends le risque. Oui, je verrai bien. Ça se trouve, ça va me donner envie de reprendre. Mais c'est vrai que j'avais vraiment pas été pas convaincu du tout par les deux premiers. Donc, là aussi, je pense que ça avait été survendu par le teasing qu'ils avaient fait. Si on lisait un petit peu les messages promotionnels, c'était la grosse série indé de l'année, quoi, qu'il fallait surtout pas rater. Et les deux premiers épisodes, même si toi t'avais accroché, c'était quand même pas topissime, quoi. Enfin, je sais pas. Mais... Il fallait accrocher à ce personnage. Si tu n'accrochais pas à ce personnage, effectivement, tu trouvais les épisodes très moyens. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai ouais, parce que je le j'ai d'accrocher à Nathan et à son histoire, à son background, donc ça m'a grandement facilité la tâche. Je le trouvais pas, voilà, un peu même agaçant par rapport à la découverte des pouvoirs, etc., la façon dont il gérait les choses et avec son, il avait un pote, hein, qui l'accompagnait dans le premier épisode là. J'avais pas aimé la façon dont c'était écrit, quoi. Donc forcément c'était un peu plus compliqué d'accrocher, quoi. Mais j'irai voir. J'essaierai de rattraper ça. Puis si c'est aussi convaincant que tu le dis, eh ben je reprendrai après en TP. J'arrive pas à me rappeler ça. Du prénom de son pote là. Bref, c'est pas grave. Oui, c'est pas. Mais oui, il est souvent accompagné, effectivement. Presque d'un sidekick. Eh bien voilà, donc voilà. Radiant Black, c'est ma prescription pour vous. Maintenant, Testez, vous verrez. Après, on n'est pas non plus sur du crossover. Hein. On ne va pas non plus crier au chef-d'œuvre. mais ça se défend très, très, très sérieusement. Quoi. Clairement, bien joué, Kyle Higgins. Allez, Boris, réconcilie-toi avec le bonheur, avec la joie. Et parle-nous de Beta Ray Bill. Beta Ray Bill. Alors, c'est du Marvel, mais bon, c'est de l'indé quand même. Hein. C'est du Daniel Laurent Johnson et Mike Spicer aux couleurs. Donc, l'artiste fait une mini-série donc en 5 parties sur Beta Ray Bill. J'en suis au 2, là je vais parler du 2. Je crois que le 3 est sorti, mais je ne l'ai pas encore lu non plus. J'ai toujours un peu de retard sur toutes mes séries. Donc on se retrouvait au début de la série. Alors ça faisait suite au run de Kate sur Thor, que j'ai arrêté aussi. Mais a priori, Beta Ray Bill avait perdu son marteau et donc n'avait plus ses pouvoirs et donc était au fond du trou. Voilà, pour résumer simplement le pitch de départ. Et il n'était pas vraiment en grande forme psychologique et va essayer de retrouver son marteau et de retrouver ses pouvoirs. Donc, dans le premier épisode, il décidait de partir à la recherche de ce marteau. Et là, le début de son périple commence, mais il est toujours pas en très grande forme puisqu'il va errer un peu de bar en bar et à la recherche du marteau, mais aussi voilà, pour donner du, ça va donner du coup de poing et picoler de la bière. Alors quand je l'avais interviewé, on avait parlé de la bière hein, parce que c'est un grand amateur de bière. On lui avait demandé si un jour il ferait un comics autour de la bière. Bah c'est fait, je pense, puisqu'une grande partie de une partie de l'épisode tourne autour de ça, de la bière, des coups à boire, etc. Donc c'est assez rigolo ce clin d'œil involontaire, j'imagine. On n'est pas à l'origine du scénario de la mini-série, mais c'est assez rigolo. Donc voilà, il est toujours au fond du trou. Il va beaucoup échanger. Alors il est secondé par des personnages de l'univers. Beta Ray Bill, Thor, etc., hein, que Daniel Warren Johnson exploite plutôt pas mal. Il reprend bien la mythologie et il l'utilise à sa façon. Donc c'est assez brutal, assez direct. Donc il va rencontrer Odin, qui n'est pas en grande forme non plus, et là il va obtenir des indices pour pouvoir récupérer son marteau, et il va partir à la chasse au marteau. Bon, je savais pas le cliffhanger, mais voilà, le cliffhanger du premier était un peu léger quand même, c'était pas transcendant. Là c'est un peu plus marquant, on va dire, mais on retrouve toujours la patte graphique, notamment avec des superbes doubles pages. Là il y a dès le début, il y a son vaisseau qui est dessiné en coupe, c'est assez bluffant. Après il y a quelques scènes de baston aussi qui saignent pas mal. Voilà, graphiquement c'est toujours du très très bon Daniel Warren Johnson, et Mike Spicer le complète remarquablement aux couleurs. Et voilà, c'est bien écrit. Alors, c'est sans doute pas la meilleure mini-série. Je pense que Wonder Woman Dead Earth était un ton au-dessus, notamment en termes de dramaturgie, voilà, de tension. Là, même s'il y a quand même voilà, une certaine tension, c'est plus léger. Alors, mais ça n'est pas moins désagréable. Et puis l'univers, on va dire, de Thor, de tous ces personnages convient bien à son trait. Ça marche plutôt bien et il s'est bien approprié Beta Ray Bill. Donc voilà, deuxième épisode tout à fait satisfaisant. Un bon plaisir de lecture. Pas un énorme coup de cœur, mais ça me plaît toujours. Et puis le petit cliffhanger à la fin là, me donne bien envie d'avoir le 3 assez rapidement. Ce sera en 5 parties, on verra bien. Mais pour l'instant, je suis plutôt content et pas déçu quoi, de cette mini-série. Cool, cool. Clément, si on dit Batman oui. plus Chief oui. plus oui. Redwood, on obtient oui. quelque chose qui a l'air plutôt bien quand même. Ouais. Et on obtient Batman Urban Legends. Donc j'ai lu là les trois numéros, qui en fait sont denses, hein, puisque c'est de l'anthologie. On a, je crois, par numéro, on doit avoir 3 histoires. 3 ou 4 au minimum, ouais, on a un gros épisode de Zdarsky sur l'histoire avec ouais. Dude, qui va être en 6 parties. Et puis après, on a plusieurs histoires annexes entre 10 et 20, ouais, 20 on, je pense, certaines. C'est ça, on a une histoire aussi en plusieurs parties avec Grifter, oui. Je crois. Une avec les Outsiders, que je connaissais pas d'ailleurs. Enfin, c'est pas un des personnages qui m'intéressait plus que ça. Mais néanmoins, c'est intéressant. Et donc, forcément, ce qui intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça donne du chip Starsky sur Batman. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas lu, honte sur moi, je sais que vous allez me conspuer, que je n'ai pas lu Daredevil version Chip Starsky. Néanmoins, je peux évidemment juger de son travail sur Batman. Et alors, ça va être en 6 parties. Et ben, c'est ultra plaisant à lire. Je trouve que Chip Starsky sur Batman, c'est parfait. Il y a une dimension. Alors déjà, au niveau du traitement des personnages, j'ai l'impression que Chip Starsky aime les personnages, il a totalement compris les personnages. On a une histoire qui, alors, en apparence, c'est classique, mais qui offre un traitement notamment, et je sais que ça va te plaire, Mathieu, de Red Hood, qui est, moi, je trouve super intéressant, parce que ça aborde plein de choses. Est-ce que je peux spoiler un peu ou pas du tout ? Alors, moi, j'en ai lu un, mais vas-y. D'accord, bah le premier tome, enfin, ça aborde à la fois la relation entre Batman et Red Hood, ça évoque un peu aussi la relation qu'avait Red Hood avec, Barbara, je crois. Et puis avec Alfred. Et c'est pas, j'avais un doute. J'étais en train de me dire, est-ce que je me trompe pas avec le titre de Nightwing, mais avec Alfred. Et ça, je trouve que c'est sans doute un des aspects les plus intéressants, et aussi sur la manière de procéder de Red Hood, parce qu'il se passe quelque chose dans le premier épisode. Et donc, ça donne, je trouve, une première histoire, franchement hyper intéressante. C'est hyper plaisant à lire. Le style va super bien de Darcy. Starsky va super bien avec Batman. Enfin non, c'est une grosse surprise. Et ça contraste assez avec les autres histoires. Donc celle avec Grifter est pas mal, c'est pas la plus passionnante. Et le reste, ça se lit, mais c'est pas non plus, je trouve, oufissime. Je ne sais pas ce que t'en as pensé, Mathieu, sur le premier numéro. Bon, gros kiff sur l'histoire de Starsky, évidemment, première partie. Après, sur le reste, franchement, j'ai trouvé que ça tenait bien la route et que ça faisait une bonne petite anthologie, un peu street level. Oui, c'est sûr. Un peu street level sur Gotham et Batman. Ouais. Ça a le mérite de traiter plein de personnages qui ont sans doute pas du tout été traités ou pas assez. On avait une histoire entre Harley Quinn et Poison Ivy, je crois, oui. De mémoire. Super sympa, d'ailleurs. Je trouve, qui était plutôt plaisant à lire. Et on a d'autres histoires. Donc, je trouve que le format anthologie va très bien sur ce titre. Ouais. Et là, pour le coup, c'est cher. Enfin, c'est quand même $8. Après, je ne regrette pas. C'est plutôt plaisant. Je ne sais pas combien c'est supposé durer. Combien de temps c'est supposé durer. Au moins 6, c'est sûr. Puisque au moins 6. Le principal est en 6. Mais je pense qu'après, ça va. Mais... si ça marche. Ouais. Mais en tout cas, non, c'est une bonne surprise. Starsky, c'est top. Et moi, j'espère qu'une chose, je ne sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais pour moi, une fois que Tynanfer et décide d'arrêter, moi, je rêve de voir Starsky sur un titre Batman principal. Oui, en train de faire la main, c'est pas mal. Ouais. Je me dis que ça peut donner. J'ai retrouvé un aspect que je trouve qui a été, à mon sens, depuis. Et je peux peut-être exagérer, mais depuis au moins 10 ans. Enfin, depuis les New 52, je trouve que... Bon, après, j'ai pas lu Detective Comics, donc il y a peut-être plus cet aspect-là. Mais je trouve que vraiment l'aspect Batman-détective, là, est un peu plus... ressort un peu plus, et c'est un truc qui avait tendance à être bien plus négligé, je trouve. Et là, ça ressort pas mal. Et c'est surtout, en fait, le traitement des personnages, notamment la relation entre Red Hood et Alfred, moi, que j'ai trouvé... super intéressante. Et d'ailleurs, ce qui montre que vraiment la toile de fond, je trouve, dans les titres Batman maintenant, c'est pas tellement la question Infinite Frontier, c'est vraiment comment on traite des conséquences de la mort d'Alfred. Et je trouve ça super intéressant. C'était du bon. Et moi, déjà parce que les histoires sont sympas, c'est clairement pas de la merde, hein, on va être clair. Et puis parce que ça vaut le coup d'œil, rien qu'avec l'histoire de Chip Starsky, qui est assez longue, je crois qu'il doit faire une trentaine de pages, vingtaine. Une bonne vingtaine, ouais. Comme un single classique, quoi. Ouais, comme un single classique. Donc, bref, vraiment une bonne surprise. Après, on pouvait s'y attendre, mais ce qui confirme que Starsky sur Batman, c'est BDF, quoi. Non, c'est vrai. Alors, que c'est cool. Oui, Boris. Moi, j'étais bien tenté aussi hein, quand j'ai vu Starsky Batman, mais quand j'ai vu le format, j'ai renoncé parce que. Alors, vous dites que les autres histoires sont plutôt sympas, mais moi, je sentais l'arnaque à plein nez quand même. $8. Oui, non, mais c'est clair. Alors, moi, j'attends, en espérant peut-être que soit en VO, soit en VF chez Urban, il n'y ait que la partie Starsky qui sort. Tu l'auras en VO, tu auras un TP de l'histoire de. Et là, je le prendrai. Mais le reste m'intéressait pas, puis c'était encore un truc à 8$. Tout ce qui était un peu anthologique chez DC, là, récemment, c'était quand même tartignol. Hein. Il y avait quand même beaucoup de remplissage. Et là, pour moi, ça sentait le remplissage à la suite de l'histoire de Zdarsky, et il communiquait que sur l'histoire de Zdarsky. Donc, je suis pas allé. Bon, là, j'en entends effectivement, et c'est ce que vous dites, hein, que du bien sur cette partie-là. Donc, j'espère pouvoir la lire, me la procurer, voilà, indépendamment du reste aussi. D'ici, il faudrait une grosse erreur que de ne pas faire un recueil de cette histoire. Voilà, j'ai pas plus à dire. Très bien, eh bien, tu vas pouvoir en dire plus sur autre chose. Un petit peu. Ouais. Shadecraft, numéro 2. Shadecraft. Tu l'as lu aussi, que je sache Non, je l'ai commencé. En général, c'est pas bon signe. Alors, ça dépend, ça peut vouloir dire que t'es fatigué. La dernière fois, t'étais fatigué. Je vais mettre ça sur la fatigue. Voilà. Alors, le Shadecraft, c'est Joe Anderson au scénario, Lee Garbett dessin, Antonio Fabella aux couleurs. C'est donc l'équipe de Skyward que j'avais beaucoup aimé. Alors, un petit résumé rapide, le premier épisode, c'était une jeune lycéenne dont le frère avait été victime d'un accident et était dans le coma, qui s'apercevait qu'elle était poursuivie par des ombres de façon totalement étrange. Et il se trouvait qu'à un moment, elle s'apercevait que parmi ses ombres, il y avait son frère, et elle arrivait à communiquer avec lui, avec l'ombre de son frère. Voilà à peu près le pitch. Le premier épisode m'avait plutôt plu, c'était pas exceptionnel, mais ça mettait plutôt bien les choses en place. Et donc, j'attendais que la série quand même démarre pas mal dans ce deuxième épisode. Et c'est sans doute pas que la fatigue qui t'a fait arrêter ton épisode, parce que j'ai trouvé cet épisode très moyen. C'était que des séquences un peu très anecdotiques, puisque bon, maintenant que l'ombre de son frère la suit et communique avec elle, ben on la suit dans son quotidien un petit peu de lycéenne, où elle papote avec lui, elle essaye un peu de comprendre pourquoi il est comme ça, puis comme ça fait un certain temps qu'il est dans le coma, voilà, elle renoue, on va dire, des liens avec lui. Mais c'est surtout très léger, fait des petites blagues avec son ombre, là, j'ai trouvé ça un peu cucu la praline. J'ai trouvé que c'était, enfin, les trois quarts, on va dire, de l'épisode sont très anecdotiques. Il n'y a pas du tout de montée en tension et en intérêt et en densité de la série. Il n'y a que vraiment la fin où là, et on va s'apercevoir qu'il y a un petit souci quand même avec ses ombres. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais là, on commence à comprendre ce qui se passe et ça se termine sur un cliffhanger plutôt intéressant, mais. Ce deuxième épisode, il aurait presque pu être raccourci, voire si on le saute, on rate rien, quoi, quasiment. Donc, un petit peu déçu quand même de l'histoire. Alors, le 3 est sorti et j'en ai entendu des bien meilleures critiques, donc je vais continuer. Et ça, là, dans le troisième, ça a l'air de bien partir. Mais voilà, un épisode 2 décevant, quoi. Donc, après, au niveau dessin, c'est toujours agréable. J'aime bien, moi, le style, le mélange Lee Garbett. Lee Garbett, Antonio Fabella. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne réussite. C'est du classique et ça tient bien la route. Mais le scénario, ouais, un peu décevant. Donc, Mathieu, tu peux même finir ta nuit et passer au 3 après directement, je pense. D'accord. Bon, bah, il faudra que peut-être que je m'accroche. On n'est pas du niveau de Skyward pour l'instant, au niveau du démarrage. Skyward était bien plus original et bien plus engageant. Mais bon, après, je vais aller jusqu'au 4 et ça se trouve, il y aura un retournement incroyable. Je ne sais pas, on verra bien. Mais pour l'instant, un petit peu déçu, on va dire. J'en attendais beaucoup parce que Skyward, c'était vraiment une série vraiment très sympa. Et là, bon, plus en plus, quoi. Ok. Bon, ben, je vais m'accrocher. allez, je vais faire un petit pot pourri en plusieurs parties avec pas mal de titres assez récents que j'ai lus et que je veux dire juste deux mots, à commencer par Fantastic Four Life Story. C'est Mark Russell au scénario. Si Life Story vous évoque quelque chose, ça vous fera forcément penser à Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky avec Mark Brooks, je crois, au dessin, qui était vraiment excellent. Et du coup, avec Fantastic Four, Mark Russell reprend le même concept. Un numéro égale une décennie, et les Fantastic Four qui vont vieillir au même rythme que l'histoire normale, quoi, en temps réel, on va dire. Donc premier numéro, les années 60, sur fond de course à l'espace avec l'URSS, qui est ouvert par le président Kennedy, d'ailleurs ce numéro, qui est présent dans cet épisode. Pas mal de choses qui s'installent en toile de fond, évidemment la création des Fantastic Four, qui ressemble à ce qu'on connaît d'elle, mais qui est un petit peu twistée par rapport à l'axe qui est pris autour de la course à l'espace, etc. C'est intéressant, il se passe quelque chose autour de Ben aussi dans ce premier numéro. J'avais peur que l'absence de Chip Zdarsky sur un projet estampillé Life Story soit préjudiciable. Pour le moment, c'est pas le cas, et on est dans quelque chose qui a l'air tout aussi sérieux et potentiellement sombre pour l'avenir que l'était Life Story sur Spider-Man. Donc, bonne pioche pour ce premier numéro, ça a piqué ma curiosité, et je vais poursuivre avec plaisir les prochaines décennies. Beaucoup de potentiel. Ce qui a beaucoup de potentiel aussi, et j'en doutais fortement après la prestation de Tom Taylor, c'est le Suicide Squad de... je crois que c'est Robbie son prénom, Thompson. C'est ça, Robbie Thompson. Ouais. On en est à 3 épisodes. Nouvelle équipe de la Suicide Squad, menée par le Peacemaker, qu'on va retrouver dans le film, donc c'est pas étonnant qu'il apparaisse ici, mais avec une équipe complètement inattendue, à la fois de second couteau et de personnages dont on se demande ce qu'ils font là, comme Talon, comme Superboy aussi, qui intervient dans cette série. Enfin voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous là, sous la coupe d'Amanda Waller, et comment elle a bien fait pour réunir cette équipe. Et plus les numéros avancent, plus on tombe dans la Suicide Squad, dans tout ce qu'elle a de plus classique. Et quand je dis classique, je prenais ça comme un compliment. Les thématiques, vraiment, une équipe de personnages tous plus borderline les uns que les autres, et tous plus dysfonctionnels les uns que les autres, et qui menacent à tout moment de partir en vrille et de sérieusement mettre à mal la sécurité à la fois de l'équipe et du monde. Une Amanda Waller plus froide que jamais, plus manipulatrice que jamais, j'ai envie de dire aussi. Et on aimait la détester dans certaines anciennes versions de la Suicide Squad et tout ça. Là, on la déteste encore, on la déteste à nouveau dans cette série. Et on retrouve l'Amanda Waller des grands jours. Elle est en pleine forme, il n'y a pas à dire. Je suis surpris de le dire, mais j'aime bien ce comic Suicide Squad. En plus, c'est dessiné par Pansica. Alors, évidemment, j'ai des problèmes, je crois que c'est Eduardo Pansica. Et c'est ça, Eduardo Pansica. C'est plutôt joli. Et moi, cette équipe complètement, qui a l'air complètement random comme ça, et, finalement, elle fonctionne bien, quoi. Fonctionne bien ensemble ou pas d'ailleurs, et mention spéciale à Amanda Waller, vraiment. Je crois que je vais continuer sur Suicide Squad, et ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Il n'y a plus aucune trace de ce qu'a fait Tom Taylor, alors. Alors les personnages, j'ai plus rien. J'ai terminé le run de Taylor, j'attends qu'il sorte, ouais. Qu'il soit recueilli, parce que j'avais loupé des singles et tout et machin, mais j'ai pas l'impression, non. Non, les personnages, on les retrouve pas, quoi. Non, ceux qu'on... Non, on en a vraiment sur une composition d'équipe avec, je te dis, Peacemaker, ouais. Il y a, okay. Talon, il y a Culebra, Superboy, Nocturna, enfin voilà, des personnages un peu secondaires. Il y a même quelques créations pour... Robbie Thompson crée quelques personnages pour l'occasion. Donc non, on n'est pas du tout dans l'équipe de Tom Taylor. Ok. Je reprendrai mon pot pourri plus tard. Et je vais te laisser parler de Black Hammer Visions numéro 3. Je vais être rapide. C'est mauvais aussi, ça. Bon. Black Hammer Vision. Donc, série anthologique autour des personnes de l'univers Black Hammer. J'y étais allé au départ pour l'épisode de Jeff Jones. C'était le numéro 2 qui m'avait franchement déçu. Le 3, c'est celui que je vais chroniquer et scénarisé par Chip Zdarsky, dessiné par Johnny Christmas et colorisé par Dave Stewart. Donc là, après la déception, le premier épisode c'était Patton Oswalt et j'avais bien aimé finalement. Mais là c'est Chip Zdarsky, et donc là Chip Zdarsky, je me suis dit ça va être cool. Et je suis à nouveau assez déçu. Pas du tout convaincu par cet épisode. Alors le personnage qui est suivi c'est Abe, je sais pas comment on dit en anglais. Abe Sapiens, ouais. Sapiens, voilà, merci. On le retrouve un peu dans le futur. Enfin, il est à la retraite. Hein. Il a fini son. Il est plus le héros qu'il fut. Et il y a un nouveau super héros qui prend son plus ou moins son pseudo et qui fait régner un petit peu la loi dans la ville, mais pas du tout avec les mêmes méthodes que Sapiens. Il y va franchement. Hein, il se pose pas de questions. Ça saigne. Il n'hésite pas à donner du coup de poing, voire un peu plus, ce qui ne plaît pas du tout à Sapiens, donc qui se pose des questions Est-ce qu'il doit laisser plus ou moins son nom, puisqu'il a repris son, son pseudo, être sali par cet individu? Et donc il va évidemment intervenir, et ça va pas forcément bien tourner vu qu'il est plus en grande forme. Donc c'est une chronique un petit peu de, autour de ce personnage, mais j'ai pas été passionné par l'histoire, j'ai trouvé ça quelconque. Voilà, c'est pas du grand Chibzarsky. Ça fait un peu boulot de commande, quoi. Voilà, on lui dit, tiens, tu veux pas écrire une histoire, et c'est dire, je vais prendre 5 minutes, et puis, voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit totalement investi, ou alors c'est moi qui suis pas rentré dedans, mais j'ai pas été convaincu. Et puis, autant je suis quand même assez ouvert en termes de dessin. Je peux regarder et après, enfin voilà, lire des BD qui en termes de dessin sont très indés, très particulières. Autant là, Johnny Christmas, je suis pas trop fan, moi. J'ai pas trop apprécié, notamment ses personnages, les visages. Je trouve que c'est pas très beau. Et puis, certaines situations, c'est un peu bâclé, on va dire, de mon point de vue. Hein. Voilà, rien de très positif, malheureusement, dans cette, ce nouvel épisode. Donc c'est un peu décevant cette anthologie, je trouve que ça aurait mis l'univers Black Hammer mérite mieux. Alors je vais, c'est en 7 je crois partie pour l'instant, donc je vais continuer. Je verrai, là c'est Mariko Tamaki le numéro suivant, je suis pas convaincu d'avance, on verra bien. Et puis après c'est Kelly Thompson, là peut-être un petit peu plus. Je vais voir, je vais continuer parce que comme c'est une anthologie on peut avoir des belles surprises et ce serait dommage peut-être de rater un, c'est ça, une petite piège. Pépite. Bah ouais, ouais. Mais clairement, je pense que ça va. Je crois que c'est 7 ou 8, je sais plus. Pour l'instant, il y a 7 de prévu. Et après, il y a quelques. Si, il y a Jeff Lemire qui va arriver, je crois. Donc là, ça peut être bien. Mais après, je sais pas si ça continuera ou pas comme anthologie, mais je pense que je vais assez vite m'arrêter quand même. Peut-être faire encore que 2-3 numéros, là. Et puis après, si vraiment c'est encore décevant, ce sera terminé. C'est pas. Je regrette presque un petit peu de m'être lancé là-dedans, parce que ça mérite pas. Forcément autant d'attention que ça en aurait mérité. Voilà. Ça sent peut-être la série créée pour ne pas faire de vide avant que Black Hammer Reborn arrive. Aussi, mais il y avait quand même des noms, quoi. Oui. Enfin, il y avait Jeff Jones, Chibzarsky. Voilà, ouais, c'est Black pas. Hammer, Black Hammerverse n'est pas assez riche, contrairement à un univers comme Marvel, DC ou d'autres univers installés. Faire une anthologie sur Batman que. Tout le monde a lu, tout le monde a un avis sur Batman, tout le monde a quelque chose à dire sur Batman ou sur plein d'autres grands personnages qui existent depuis des dizaines d'années. Là, on est sur un univers qui est tout jeune, qui a finalement une vingtaine d'épisodes sur la trame principale, pas plus, 20-30 épisodes. C'est peut-être difficile pour un scénariste qui vient de l'extérieur de s'immerger dans la vision personnelle, finalement, de Jeff Lemire qui mène sa barque depuis le départ. Il y a peut-être moins de points auxquels se raccrocher pour raconter des histoires, contrairement à des personnages installés depuis des dizaines d'années. Ouais, mais même les histoires en elles-mêmes sont fades, quoi. Enfin, celle-là, elle se lit, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Celle de Jeff Jones, c'était même décevante, quoi. Enfin, je n'ai pas bien compris. C'était un peu horrifique. Donc, il y avait un côté horrifique un peu sympatoche, mais en soi, ça apportait rien, quoi. Enfin, je me suis ennuyé, quoi. D'accord. Là, je ne me suis pas ennuyé, mais. Bon, je ne la relirai pas et puis je ne la conseille pas. Quoi. Celle du Jeff Jones, je me suis même ennuyé. Okay. Bon, passons à mieux. Allez. Oui, là, on ne s'ennuie pas sur Crossover. Vas-y, Clément. Oui, donc, il est sorti assez récemment le numéro 6 de Crossover, donc qui conclut le premier arc. Des numéros précédents qui étaient quand même excellents. Et ça a monté en puissance tout le long. Et là, que dire du numéro 6 je vous avez eu mes réactions en live de mémoire par message. Et Donny Case n'avait pas menti, quoi. Je crois dans la sollicitation, c'était ne manquez pas la conclusion. Ça fait des mois qu'il nous disait le numéro 6, il ne faut pas le rater. Le numéro 6, il ne faut pas le rater. Depuis ouais. Des mois, il nous disait ça. Il nous avait déjà dit ça pour le numéro 3 ou 4, je ne sais plus. Et. Bah, il avait eu raison de nous le dire. Et pour ce 6. J'aurais tendance à dire que c'est quasiment un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, le mec, on savait déjà que Crossover, c'était clairement un message d'amour aux comics, à tout ce qu'il fait, la culture pop, la culture comics. Et alors là, ce numéro 6, c'était littéralement, je crois, c'était à chaque page, j'ai dû gueuler, mais de joie, parce que je me dis, mais où est-ce qu'il nous emmène? Et déjà, un des cliffs, ça devait être au numéro 5, je crois, ou 4, ou Donny Cates recoupe l'univers de Crossover de mémoire à, je vais y arriver, Code Country, où là, déjà, franchement, moi, je l'avais pas du tout vu venir. Et tu dis, le mec est fort. Et puis, alors, le numéro 6, il était juste incroyable dans l'exécution, quoi. Que ça soit tout le long de l'épisode qu'avec le cliffhanger, moi, personnellement, j'avais franchement pas vu venir. Parce qu'il avait écrit la chose de telle façon qu'il nous avait embarqué dans un chemin dans lequel moi je me suis engouffré. Et alors là, le numéro 6, mais j'ai réussi à voir le nombre de références incroyables parce qu'avec les crédits, on peut le savoir, mais franchement, c'était juste dingue, quoi. Ah, mais il y en a partout. Ouais, ouais, et c'est. J'en ai capté quelques-unes, mais après, c'est vraiment. Bon, il y a un hommage à Superman encore, mais le reste, c'est surtout une lettre d'amour au comics indé, quoi. Que c'est que de la ref au comics indé, et le mec, t'as mis une avalanche de références, mais qui est juste hallucinante, quoi. Je crois que j'ai jamais lu ça encore dans un comics. On voit autant d'univers qui se rencontrent, même des univers qui jusque-là étaient. Il y a même Black Hammer, dont on vient de parler. Oui, il y a aussi Black Hammer, c'est vrai. On l'évitait poliment. Ouais. Mais oui, effectivement. Ce que j'allais dire, jusque-là, on avait beaucoup de titres de Donny Cates, qui nous avait placé beaucoup de références à ses propres titres, en dehors d'un titre de Michael Red et de quelques petites références comme ça. Là, dans ce numéro 6, ça explose chez beaucoup d'autres scénaristes, beaucoup d'autres univers et beaucoup d'autres éditeurs. Il y a des accords entre éditeurs qui ont dû être sans doute passés avec Dark Horse, avec IDW, avec pas mal de monde, pour pouvoir placer tout ce qui a été placé dans ce numéro 6, qui est vraiment une orgie de références et de. Mais voilà, pour le coup, crossover s'appelle crossover, quoi. Enfin, porte vraiment bien son nom, quoi. Ouais, excuse-moi, vas-y, Boris. Après, ça reste du registre de l'anecdote pour la plupart, hein. C'est des petits clins d'œil, etc. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même sympa pour qui connaît ou a lu un peu toutes ces séries autour de ces personnages. Ça fait vraiment plaisir. Après, l'histoire en elle-même tient carrément debout sans tout ça, quand même. Hein. Je trouve c'est sûr. Cet épisode 6, là, en termes d'écriture, c'est quand même assez bluffant. Il y a quand même à la fois de l'action, de la tension. De l'émotion aussi, puisqu'il y a un moment quand même un peu dur. Ouais, et puis tu le disais, un cliffhanger, là, moi non plus, je ne l'ai pas vu venir du tout. Là. Je m'attendais non, pas non, à mais... ça. Mais en fait, l'orgie de référence, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que c'est vrai que sans ça, le numéro est déjà très bon, mais alors avec les orgies de référence, c'est fort. Et Donny Cates réussit franchement c'est un coup de maître, quoi. Franchement, réussir à lier autant, faire autant de références dans un comics, rien que du point de vue des droits. C'est ultra puissant. Et c'est vrai qu'en termes d'écriture, le numéro 4, je ne sais plus lequel je considérais qui était bien, le 4 ou le 5, enfin, il y en avait un des deux qui précédait qui était le meilleur, je trouve, du premier arc. Mais alors le 6, il a fini le premier arc en apothéose, quoi. Et c'est vrai qu'en termes d'écriture, c'est super bien fait. Et ça fait bien, bien longtemps que je n'ai pas lu un comics indé qui m'a autant hypé, que ça soit dans ce qu'il laisse présager, parce qu'en fait on se dit incapable de voir où est-ce qu'il veut aller réellement, et surtout hypé dans l'exécution, quoi. Enfin, et le mec a un réel talent, c'est, même si on le savait déjà, mais alors là c'était impressionnant, quoi. Je pense que ce numéro fera date, je pense. Pour moi, il va être ça va être un classique, ou c'est déjà un classique. Après, je l'exagère peut-être, mais c'était dingue, quoi. En termes d'expérience de lecture, sincèrement, ça fait bien longtemps que je gueulais pas comme un gros boulet en lisant, parce que j'étais complètement sur le cul, quoi. C'était rare. Enfin, c'est assez rare quand tu penses en termes d'expérience de lecture de comics. C'est vrai qu'on l'avait pas vu aussi bon. Ouais. Dernièrement, sur ces séries, notamment Marvel, c'était quand même un peu moins bon. C'était plus banal, on va dire. Faut remonter à ces premières séries comme Thanos ou ce genre de choses chez Marvel pour retrouver une telle qualité, je trouve. Ou sous les débuts de Venom, par exemple. Ouais. Ça fait déjà un certain temps, quoi. Mais alors, je suis incapable, du coup, de dire, qu'est-ce qui se cache derrière le clip de fin, quoi. J'arrive pas à voir. J'ai beau réfléchir, je n'arrive pas. Eh bien, attendons un petit peu et laissons-nous surprendre. La réponse arrive bientôt, de toute façon. Le 7, c'est Zdarsky qui fait le 7. Ouais. Donc ça, je sais pas trop ce qui va. Attendons-nous à quelque chose de très méta et d'un quatrième mur qui va sans doute voler en éclats. Ouais. Quand on sait ce que le nom de Chip Zdarsky évoque dans la série. Oui, oui. Après c'est un one shot, hein, parce qu'après c'est Donny Cates qui revient au 8. Mais je veux dire, donc on verra bien. Est évoqué plusieurs fois dans la série, ouais, de la bouche des personnages, etc. Il existe dans cet univers-là. Et là, c'est lui qui va écrire le numéro. Donc, complémentaire. Ouais, ouais, ça promet rien que le speech en fait, et tu vois la cover, tu te dis, ouais, ça promet, ça va être barge. Je pense que ça promet d'être un grand moment de what the fuck. On aura la réponse bientôt, de toute façon. On va continuer, on va pas se laisser abattre et enchaîner à bon rythme. Boris, tu vas nous parler d'un artiste, d'un auteur, Matt Lesniewski. Voilà, je vais faire un petit pot pourri aussi, moi j'en ai parlé beaucoup là récemment sur le site et je voulais en parler aussi à l'oral pour motiver les troupes si jamais certains auditeurs ne lisent pas ma prose. C'était donc Matt Lesniewski qui est un artiste indé, mais vraiment totalement indé, même si là son dernier titre c'est chez Dark Horse que ça sort, mais souvent c'est deux créations, donc c'est The Freak et puis là Static. Alors The Freak c'est paru chez Adhouse Books, donc un tout petit éditeur indépendant, et Static c'est paru, c'était le premier épisode a été auto-édité, puis après la suite a été reprise et sort en graphic novel là, directement par Dark Horse. Oui, je voulais faire un petit point parce que vraiment il y a 6 mois je connaissais pas cet artiste, moi. Et je découvre petit à petit. Alors, il n'a pas fait énormément de choses. Il y a trois créations essentiellement. Les deux que je viens de citer. Et puis, il a fait le dessin sur Crimson Flower de Matt Kint. Et vraiment, je trouve que c'est un artiste extrêmement original. Et son travail est vraiment bluffant. Moi, ça me secoue à chaque fois, quoi. Je suis vraiment... vraiment impressionné, et il propose des histoires aussi assez singulières. The Freak ça porte sur la notion de différence. C'est un personnage au physique un petit peu atypique qui subit colibés et violences des autres sans commune mesure, et voilà, il fait un petit peu une parabole sur le droit à la différence, le droit d'être soi-même. Et c'est en noir et blanc et c'est un dessin vraiment hyper détaillé, très excessif, un peu dans la caricature, quoi, sur les expressions, les corps. Il travaille les corps. Alors dans The Freak, ce sont des personnages qui ont des corps très fins, très longs. Dans Static, c'est un peu plus musculeux. C'est quelqu'un qui fait au niveau de ses corps fait apparaître les veines de façon très très impressionnante sur les bras, sur les jambes, etc. Enfin, et puis au niveau des détails, des corps, pardon. C'est extrêmement détaillé, c'est voilà. Alors vous allez découvrir normalement une interview mercredi 2 juin là. J'ai un peu dialogué avec lui. C'est vraiment quelqu'un de passionné et de très obsessionnel sur son dessin. Vous verrez, c'est assez original. Et c'est quelqu'un qui a quand même une vision assez intéressante sur l'art et la façon de créer les choses. Donc voilà, je voulais juste en reparler un petit peu. Si vous n'êtes pas encore convaincu, allez jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. J'espère que il y a un éditeur qui s'intéresse, un éditeur VF qui s'intéresse à Static, parce que ça vaudrait le coup. Alors c'est pas évidemment un titre qui va faire des milliers de ventes, bien sûr, mais on voit des fois des séries qui sortent, et je pense que Static a largement, voire même plus, sa place que certaines. Après bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. Je pense que si on feuillette, il y a des gens qui vont trouver ça pas super, qui vont pas accrocher, on va dire. Mais je pense que ça, voilà, ça vaut le coup de jeter un œil. Je vous encourage à aller voir. Et voilà, c'est tout pour ce petit focus sur cet auteur que je mets en avant. Voilà, mercredi. Pour l'interview. Ok. Je vais continuer mon pot pourri du coup. Et tu parlais de Static. Et du coup, moi aussi, je vais parler de Static, mais un autre. Du coup, parce que l'univers Milestone est revenu chez DC. L'univers Milestone est revenu là, il y a quelques jours seulement, avec un gros one-shot intitulé Milestone Returns Elite Edition 0, qui reprend qui compile deux histoires, une première qui est un one-shot introductif, et une deuxième qui est une reprise de quelque chose qui avait été diffusé durant le DC Fandom. voilà, pour annoncer le retour de l'univers Milestone. L'univers Milestone a fait les belles heures de l'univers d'ici, un petit moment déjà maintenant hein, qu'on en a pu entendre parler, et bah, c'est lancé à nouveau, et c'est très actualisé, c'est très modernisé dans les thématiques, et on découvre dans cette introduction une manifestation Black Lives Matter. Donc on peut difficilement être plus dans l'actualité sociale des États-Unis. Donc une manifestation Black Lives Matter qui dégénère, vous verrez pourquoi, comment, etc., et qui va amener à l'émergence, entre autres, de Static, un personnage assez connu pour les lecteurs chevronnés de DC. Les événements vont continuer à découler, ce one-shot va continuer, enfin cette histoire introductive va continuer son chemin, et on va nous présenter deux autres héros, Icon et Rocket, et puis après on va nous introduire Hardware, un autre personnage, et ils ont tous en commun le côté un peu sociétal de leur engagement, le côté un peu militant. Tout commence par une manifestation Black Lives Matter, donc vous doutez que déjà on est dans l'ancrage social et l'ancrage un peu militant, politique, appelez ça comme vous voulez. Et bon, c'était plutôt efficace, plutôt cool comme numéro introductif. Moi, ça m'a surtout chauffé pour Static. Static qui va commencer au mois de juin, une petite série en 6 parties qui s'appellera Static Season 1. Donc on se doute que si ça marche, il y aura d'autres saisons. Et puis, ce sera écrit par Vita Ayala. Du coup, ça me rend un peu curieux. Et l'introduction de ce personnage-là, moi, m'a bien plu. C'est parmi les trois séries, donc on a Static, après on aura en juillet qui va démarrer la saison 1 de Icon and Rocket en 6 parties, puis en août, Hardware, Season 1 aussi en 6 parties. Mais vraiment, moi, c'est Static qui m'a le plus accroché, c'est ce personnage-là qui m'a plus suscité de sympathie et d'intérêt dans ce one-shot. Donc je pense que j'irai jeter un œil au moins à cette mini-série Static à partir du mois de juin. Et puis bon, je jetterai peut-être un œil au moins, numéro 1 des deux autres, mais... Voilà, l'univers Milestone est de retour et je pense que ça mérite d'être évoqué parce qu'on en parle assez peu au final, je trouve, dans les sollicitations, dans l'actualité un peu ici et là, sur les comics VO, sur l'univers DC et compagnie. Voilà, ça mérite qu'on se penche dessus au moins et qu'on regarde un peu ce one shot et qu'on voit. Après, voilà, on est dans quelque chose de plus engagé, de plus ancré socialement, et c'est peut-être pas forcément ce que tout le monde cherche, mais moi ça me plaît quand on parle de sujets réel et sérieux, autre que juste voilà, du fun. C'est bien d'avoir des comics super-héroïques fun, etc. Mais c'est bien aussi parfois de s'ancrer dans la société et de parler de thématiques actuelles. Donc rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Voilà. Et puis l'autre chose qui mérite le coup d'œil, et là j'irai plus vite, c'est Legends of the Dark Knight par Darick Robertson. Darick Robertson, puisqu'il écrit et dessine. Boris, toi qui es plus connaisseur de ce monsieur, je pense... Est-ce que c'est habituel qu'il dessine et qu'il écrive ? Non, je crois pas. J'ai pas en tête là des séries ou des épisodes qu'il ait écrits. Donc je ne pourrais pas être affirmatif à 100%, mais la plupart du temps, il dessine. Ouais. Là, il a l'écriture et au dessin. Graphiquement, c'est superbe. Et dans l'histoire, ça tient la route aussi. On est parti pour une histoire juste en 3 parties. Les 3 premiers numéros sont écrits par lui, et puis après, c'est quelqu'un d'autre qui prendra le relais sur le numéro 4, et ainsi de suite. Voilà, chaque équipe créative va faire une histoire courte, et en 2, 3, peut-être 4 parties, je ne sais pas. Puis il va passer la main à une autre, etc. Et parce que Derek Robertson nous propose, c'est une histoire qui tient la route, une bonne histoire de détective, une bonne histoire avec des vilains qu'on a plaisir à voir, parce qu'on les voit pas assez souvent, le Pingouin et Mr. Freeze. Alors évidemment, il y a du Joker, mais pas que. Voilà, ça fait plaisir de voir autre chose. Donc du coup, voilà, pour ceux qui sont fâchés du Batman un peu, comment dire... grandiloquent qu'on peut avoir depuis quelques années dans ses séries principales, etc., et qui veulent revenir à des histoires un peu plus classiques de Batman, un peu plus enquête, un peu plus détective, des super-vilains qu'on n'a plus l'habitude de voir, bah voilà. Legends of the Dark Knight, je pense que c'est fait pour vous. Et on va continuer, Boris, avec toi, tu vas nous parler de quelque chose de vieux. Vieux, voilà, une découverte que je fais sur le tard, mais bon, il y a tellement de choses que c'est forcément... On a forcément des trucs qu'on n'a jamais lus. Donc je vais parler de Savage Dragon, donc qui est une série qui a été créée par Eric Larsen au début des années 90 chez Image. Et j'ai été chercher, parce que bon, je pense que trouver les singles, etc., ça va pas être pas évident. Moi, j'ai été chercher en français, les archives. Donc qui regroupe une grosse vingtaine d'épisodes à chaque fois. Donc il y a 10 tomes, je crois, qui sont parus, et donc qui vont. Le tome 10 contient les épisodes assez récents, là, qui sont sortis il y a quelques mois. Donc c'est un format cheap, hein, à tout point de vue, c'est noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Le papier est très, très médiocre, on va dire. Moi je les ai commandés, j'en ai reçu un ou deux parce que j'ai pris la suite après. Pour l'instant j'ai lu que le 1, mais j'ai accumulé un petit peu les volumes suivants. Souvent ils arrivent décollés, etc. Donc voilà, c'est quand même... ça peut être une collection... qui vaut pas cher puisque c'est une vingtaine de dollars pour 20 épisodes, mais bon, là faut être prévenu, c'est pas de la grande qualité. Alors Savage Dragon, c'est un personnage bon, tout le monde le connaît, je pense que au niveau de son design, qui arrive sur Terre, on ne sait pas trop comment, dans une espèce de furie de feu là, et il a perdu, il sait pas qui il est, il sait pas d'où il vient, voilà, la police enquête et trop de mémoire complet sur sa personnalité et son origine. Mais par contre, il a des pouvoirs intéressants, et de force notamment. Donc, il se fait embaucher par la police pour lutter contre les super vilains qui, eux, ont des pouvoirs et qui malmènent, évidemment, la ville et la société contre laquelle les humains sans pouvoir ont bien du mal à lutter. Donc voilà le pitch de départ. Et alors ce qui m'a vraiment bluffé dans cette série, c'est la construction. C'est-à-dire, c'est ce qu'on reproche souvent aux épisodes comics récents, c'est de pas raconter grand-chose et de semer deux fois des pistes, mais après on n'entend plus parler. Il n'y a pas de vision sur le long terme, et là au contraire, très régulièrement dans chaque épisode il y a des petits indices, des petits éléments qui sont semés, et systématiquement c'est repris plus tard. Il y a une vraie continuité, le gars a vraiment construit son univers et sa série avec des étapes, je pense, sur le long terme, et qui reprend, il y revient régulièrement. Donc ça, c'est vraiment super appréciable. Après, évidemment, c'est un comics des années 90, donc en termes de dessin, les hommes sont très forts, avec beaucoup de muscles, les super-vilains très caricaturaux, les femmes ont des poitrines énormes qui sortent de leur costume hyper rikiki, enfin voilà, c'est très caricatural, donc il faut avoir ça en tête, évidemment. Une fois qu'on passe par-dessus ça, c'est vraiment une série sympa, c'est du super-héros, mais... qui est bien construit et qui voit sur le long terme. Ça me fait penser un peu dans des genres un petit peu différents, mais au Tortue Ninja, la série récente de 2012, je crois, enfin qu'on a actuellement en VHS et Comics, qui vraiment construit voilà son histoire sur 100 épisodes par Tom Waltz. Ben là, c'est un peu le même principe, ça revient, voilà, tous les éléments reviennent régulièrement. Alors, à mon goût, il y a un peu trop de baston quand même. Il y a beaucoup, beaucoup dans chaque épisode, il y a toujours un nouveau vilain qui revient et ça bastonne. Mais bon, il y a quand même une construction de l'histoire et un développement de personnages. Après, c'est en noir et blanc, donc il n'y a pas les couleurs. Donc c'est vrai que Savage Dragon, il est vert normalement. Voilà, c'est comme ça qu'on le connaît. Eric Larsen, sans couleur par-dessus, il y a quelques planches quand même des fois qui sont pas forcément super lisibles, notamment quand il fait des splash pages, où ça bastonne, des fois on n'arrive pas trop à tout bien distinguer. Mais bon, pour le prix, voilà, c'est une bonne occasion pour découvrir la série, et franchement, si on aime le super-héros et que ça se construise bien, voilà, sur le long terme, c'est une bonne occasion. Par contre, faut peut-être pas, enfin, il y a quelques volumes qui commencent à être un peu épuisés, a priori. C'est pour ça que j'ai un peu accumulé. Je suis pas sûr que ça soit réédité, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, une découverte d'une vieille série qui vaut le coup. Allez, enchaînons avec un de mes chouchous parmi les chouchous. Nightwing, numéro 79-80. Écoute, je te laisse commencer. Et puis, Boris, et puis... Moi ? Ah, d'accord. Je suis chaud, si tu veux. Nightwing, alors moi j'en suis au... Ouais, c'est ça, 79-80, donc on va dire numéro 1 et 2 pour le run de Tom Taylor, qui scénarise la série. Ah, j'en ai lu 2. Ah non, c'est 78-79, moi. Alors toi, t'as lu le 80 en plus. Ah, moi j'ai pas lu le 80. Mais alors, je suis à 78-79. Bon, c'est sur les deux premiers. C'est pas... donc Tom Taylor reprend la série avec Bruno Redondo et Adriano Lucas aux couleurs. Donc moi j'avais pas lu du tout le run précédent de Darnell Young, ce qui n'a a priori pas une excellente réputation quand même. Tu m'étonnes. Donc je suis arrivé, et puis je connais pas forcément super bien le personnage. J'avoue que moi c'est Tom Taylor qui m'a fait aller jeter un œil. Hein. Donc il reprend la série à la suite, donc dans la continuité du Batman, que je ne lis plus non plus, donc ma maîtrise est un peu légère, mais notamment avec ce qui est arrivé à Alfred, etc. Donc il incorpore des éléments là. Il est mort, je pense. Oui, on peut le dire maintenant. Hein. Oui. Et donc il va, voilà, qui va laisser un héritage, on va dire, à Nightwing. On va pas rentrer peut-être plus dans les détails. Et Nightwing retourne. Alors je sais pas s'il y était encore, mais bon, enfin là il est dans sa ville de Bluehaven et retrouve une relation un peu particulière, privilégiée avec Barbara. Moi, je sympathique. Pour moi, c'est une série sympathique qui vaut surtout pour la relation de Nightwing avec Barbara et le ton un peu romance léger, etc. Après, je reste un peu sur ma faim sur la mise en place des enjeux. Qu'est-ce qu'il veut vraiment raconter dans la série? Je trouve que ça manque un peu de tension. C'est toujours mon mot un peu fétiche, mais je l'ai lu avec plaisir. Enfin, j'ai lu ces deux épisodes avec plaisir, mais c'est pas un énorme coup de cœur pour moi. Je sais pas trop quelle direction il veut prendre. Par contre, au niveau dessin, je termine là-dessus. C'est du sublime là. C'est vraiment Bruno Redondo. Il a fait des progrès par rapport aux séries précédentes. Et puis là, avec Adriano Lucas aux couleurs, là. Niveau graphique, c'est quand même excellent. Ouais. Allez, je vous laisse la parole. Tu seras sans doute plus dithyrambique que moi. On va commencer. Vas-y, Clément. Ouais, moi je suis dans une configuration plus particulière parce que je continue à lire Batman, donc je sais quand même le contexte. J'aimais bien le personnage de Nightwing, même si j'avais jamais lu de comics, et clairement je pense comme beaucoup, moi ce qui m'a fait venir sur Nightwing, c'est parce que c'est Tom Taylor, et Tom Taylor déjà ultra sympathique, et puis il a un style qui est très simple, qui est à la fois très simple, mais à la fois assez punchy, et qui bat très bien sur des titres comme ça. Moi j'ai adoré. Enfin, franchement, pour un début de run, c'est simple mais efficace. Et j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le Batverse, et j'ai retrouvé ce que j'aimais chez Tom Taylor et ce que j'apprécie chez Nightwing. Les relations qu'il a avec Barbara et également par rapport à Alfred sont hyper intéressantes, super bien écrites. La toile de fond de l'histoire est finalement assez classique, mais en réalité ça marche super bien, très bien servi par des dessins, les dessins de Mars, j'oublie déjà le nom, enfin bref, les dessins collent très bien à la série, c'est bien et c'est ultra efficace. Moi j'ai été hyper enjoué par les deux premiers numéros et je pense que ça va sans doute être ma série de cœur de DC Comics, quoi. On peut faire simple mais efficace et c'est ultra plaisant à lire. Enfin, moi j'ai adoré. Je pense qu'on va, pour beaucoup, on va être réconcilié avec Nightwing. Boris, tu disais que tu sais pas trop où il veut en venir, ce qu'il veut raconter et tout ça. Moi, pour le moment, j'ai l'impression qu'il veut juste nous raconter une histoire de vie de quartier avec c'est ça. Avec un super-héros à l'intérieur et un peu ça. Voilà, comment il interagit dans sa ville, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour sa ville, surtout maintenant tu l'as dit qu'il a reçu cet héritage d'Alfred. Voilà, ben, qu'est-ce qu'il a envie de faire de ça, quelle place il veut avoir dans la ville, dans la société, au sein de cette ville, etc. Et voilà, moi ça me fait penser un peu au Kai de Matt Fraction, hein, dans la façon dont il nous raconte tout ça, et je suis pas sûr qu'il faille aller chercher plus loin et qu'il ait une ambition autre que celle-ci. Après, je me trompe peut-être qu'il va nous mettre en place des trucs fous, mais voilà. Non, mais c'est peut-être justement ce à quoi je m'attendais, à quelque chose de plus super-héroïque, on va dire, entre guillemets. Pour l'instant, il n'y a pas. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément ce que j'apprécie, mais je suis un peu surpris, on va dire, par le ton et voilà, l'écriture, ce qu'il propose. Après, si ça continue comme ça, l'écriture est très sympathique. C'est pas un énorme coup de cœur. C'est agréable. C'est pas la direction qu'on imaginait, je pense, c'est clair. Voilà, moi j'ai accroché. Le troisième numéro de ce run, qui est donc le numéro 80, vient de sortir. Je l'ai lu. Il continue à faire le taf correctement. Enfin, voilà, on est sur cette lignée. Voilà. Je pense qu'on va s'installer vraiment dans cette vie de Nightwing à Bluehaven. Il y a juste un truc qui me dérange. Qui me dérange beaucoup, par contre. Faudrait peut-être que les scénaristes qui utilisent un même personnage se mettent d'accord, en fait. Nightwing, c'est soit Starfire, soit Barbara. Mais c'est oui. Mais c'est pas Barbara dans Nightwing et Starfire dans Teen Titans Academy. Il y a un moment, il faut se mettre d'accord, il faut un peu de cohérence. Quoi. Et c'est ça, moi, ça m'emmerde. Voilà. Que les artistes ne parlent pas entre eux, que les éditeurs ne... Bah, après, d'un côté, moi, je suis pas, du tout Teen Titans Academy. Moi, du coup, ça m'a pas gêné. Ouais, bah, moi, je lis les deux et je suis... Oui, évidemment. Je me dis, bah, merde. Et... Du coup, je me pose des questions sur bah, quand est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça se passe en même temps ? Est-ce que ça se passe pas en même temps ? Ouais. Et a priori, ça a l'air de se passer en même temps. Bah, il est peut-être polyamoureux, hein. Écoute. Hein. Possiblement. Mais du coup, si c'est ça qu'il l'adresse, qu'il le dise. Peut-être que les éditeurs font pas leur boulot. Non. Je sais pas. Moi, ça l'emmerde. Moi, ça m'emmerde de le voir embarqué dans une série, dans une relation avec un personnage, et dans une autre série, dans une relation avec un autre personnage, sans mentionner l'autre. Ouais. Mais est-ce que c'était pas un peu ce qui avait été annoncé par DC, que chacun allait faire un petit peu sa sauce? Oui, c'était un peu ça, ouais. Après, il y a quand même des points qui doivent être quand même au minimum convergents. Oui, oui. Donc bon, voilà, c'était juste un petit point comme ça, mais pour le reste, la série Nightwing, pour moi, elle fait le job, il n'y a pas de souci. Je suis bien content d'avoir retrouvé du bon Nightwing après la parenthèse triste des derniers mois, années. Boris, ta dernière review, ce sera Dating with Stars. Ouais, un petit mot. Alors, je prévois d'en faire une chronique à l'écrit, mais je suis pas sûr. Alors, je voulais en dire un peu. Donc, c'est de Kurt Kenny. Ça s'appelle Dating with Stars. Alors, c'est du comics indé, underground. On est loin du super-héros dont on vient de parler. Kurt Kenny, moi, je l'ai découvert en tant que lettreur sur November. Je connaissais pas du tout cette personne. Et donc, bah voilà, moi, quand je le découvre, je vais voir. Et là, j'ai pris ce livre. Alors, c'est un recueil d'histoires courtes. Et j'aime bien, moi, les histoires courtes. Même en littérature, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là, c'est une petite dizaine d'histoires courtes qui se placent dans différents contextes, réalistes, science-fiction, ce genre de choses. Et qui va s'intéresser essentiellement, pardon, aux relations humaines, père-fille, entre amis, relations amoureuses, etc. Et c'est parfois expérimental, donc il y a une ou deux histoires où j'ai pas trop accroché, j'ai pas bien compris trop ce qu'il voulait raconter, mais globalement ça m'a bien plu, et surtout c'est la variation des styles utilisés pour représenter. Alors ça va du simple crayonné à l'utilisation de crayons de couleur, de l'aquarelle, des choses un peu plus numériques. Voilà, c'est vraiment très varié en termes de style. C'est du dessin très indé, hein, il faut pas, voilà, faut être prévenu. Mais moi, je suis bien rentré dedans et j'ai bien accroché globalement. J'ai trouvé que c'était assez touchant et assez juste au niveau des histoires. Donc, voilà, pour qui apprécie ce genre d'histoires courtes et de dessins un peu hors du commun, on va dire, je vous conseille d'aller jeter un œil. En parallèle, le Kurt Kenny, c'est un peintre, hein, qui fait des peintures, donc ça se ressent aussi un peu dans son travail. Et là, donc, il a fait un deuxième livre qu'il a présenté comme un graphic novel, mais ça a l'air d'être quand même des histoires courtes, peut-être qui ont un lien entre elles. Je sais pas, je l'ai pas lu encore, mais je vais aller lire ça et j'en reparlerai, je pense, une autre fois. Mais voilà, si vous êtes amateur de ce genre de BD, bah, allez jeter un œil, ça vaut le coup. Voilà. Eh ben cool. Et puis moi, je vais terminer du coup cette émission avec la fin de mon pot pourri avec deux titres. Alors, je vais être très rapide. The Many Deaths of Layla Starr numéro 2. Pour vous présenter The Many Deaths of Layla Starr, je vous dirai Et si la mort devenait mortelle parmi les mortels. J'aime beaucoup le concept qui a été posé dans ce numéro 1 et qui m'avait beaucoup accroché. J'avais bien aimé. Évidemment, la narration de Ram V, mais surtout le style graphique de Philippe Andran. Et pour ce numéro 2, je vais poser une nouvelle question. Donc, et si la mort était mortelle parmi les mortels, c'était la question que se posait au numéro 1. Et dans le numéro 2, la question serait, et si la mort, devenue mortelle, croisait le chemin d'un petit garçon qui plus tard allait découvrir l'immortalité? Qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle essaierait de le tuer? Est-ce qu'elle le laisserait vivre? Intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, c'est juste deux petites questions comme ça, hein, qui sont posées, mais... elles ont tellement de réponses possibles, etc. Et c'est un vrai bonheur de voir la réponse proposée par Ram V. En plus, avec les dessins de Philippe Andrade, vraiment, j'accroche beaucoup. Et franchement, ça vaut le coup. C'est une petite pépite de chez Boom Studios, Many Deaths of Layla Starr. Et Ram V montre à nouveau, ou montre, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qu'il faut compter avec lui. Moi, j'ai eu le premier, effectivement, c'était vraiment, vraiment très bien. Et tu parles des dessins de Philippe Andrade, c'est vrai que c'est un dessinateur qui a un trait particulier, très fin, et qu'on a vu pas mal chez Marvel, dans souvent des one-shots sur différents héros. Hein. Enfin, je vais être honnête, je le découvre. Bah, il a fait un peu de Holman Logan avec Jeff Lemire, et il a fait beaucoup de one shot en fait, donc et quand même qui a un style particulier qu'on n'imagine pas forcément sur du Marvel. Et là sur les Life Star, notamment avec le travail sur les couleurs dans les teintes roses là, oui. Franchement c'est sympa, hein. c'est vraiment superbe. Et puis le premier épisode m'a bien convaincu aussi, ouais, j'attends le 2 là pour enchaîner, mais je pense que ça va être encore une série marquante, une mini-série oui. marquante chez Boom. Je crois que c'est en 5, je crois. Oui, je crois. Je suis presque déçu que ce ne soit qu'en 5, mais bon. On verra. En tout cas, le succès est au rendez-vous et c'est cool. Et puis, deuxième et dernier élément de cette fin de pot-pourri, Geoff Jones est revenu à l'écriture de comics et nous a sorti son Stargirl Spring Break Special numéro 1 cette semaine avec Todd Knock au dessin. Dedans, il y a tout ce qu'on aime chez Geoff Jones. Il reprend sa création de Stargirl. Et à l'intérieur de ce bouquin, qu'est-ce qu'on rencontre ? Les Seven Soldiers of Victory. On nous parle de héros passés, notamment de la JSA. On nous met des super-vilains que tout le monde avait oubliés, mais que moi je kiffe parce qu'ils sont tellement, tellement kitsch. Le Clock King, Green Arrow est là, Stripe est là, voilà, tous ces trucs un peu qui fleurent bon, la nostalgie sont présents. Et ma foi, ce one-shot, il est canon, il est vraiment réussi. Geoff Jones revient écrire des comics plus souvent. Quoi. A priori, ça va être le cas, hein, puisque cet épisode se termine par To Be Continued in Stargirl numéro 1. Donc, ouais, je veux. Surtout si c'est Jones qui écrit. Et puis, s'ensuit un petit récit, et on nous marque Justice Society, Past is Prologue. Geoff Jones, writer, Brian Hitch, artiste et compagnie, machin. Bah voilà, la nostalgie est de retour, la justice. La JSA est de retour. La JSA est de retour, Stargirl est de retour. Oh là là. On nous déterre des super-vilains comme Clock King, voilà. Un one-shot à ne pas mettre entre toutes les mains. Quelqu'un qui voudrait découvrir l'univers DC en commençant par ce one-shot parce que c'est marqué Spring Break. Pas bon plan. Pas bon plan. Il faut quand même un minimum de connaissances. Hein. On a quand même des personnages, les Seven Soldiers of Victory. Ça me dit un truc. Ouais, Seven Soldiers. Il faut savoir quand même qui c'est. Pat Duggan, Stripe, qui est Star Wars. Oh la vache. D'où elle vient. Voilà, Roy Harper est là. Enfin, c'est cool. Vraiment, c'est. Moi, ça m'a. Franchement, je lisais ça comme un énième one shot en me disant on va jouer sur la série télé. Il y a une série télé Stargirl qui a l'air de bien fonctionner. Allez, Geoff Jones revient, il va faire mumuse pendant un petit one shot avec cet épisode. C'était compté sans Geoff Jones et son talent d'écriture et son art du teasing. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'aller lire cette série Stargirl qui arrive et j'ai envie d'aller lire ce Justice Society qui va finir par arriver aussi. Et bien joué. Nostalgique de l'univers DC, c'est pour vous. Et voilà qui conclut ce numéro 312 de Comic Stories. Je vous invite à nouveau à aller lire du coup cette interview qui sera publiée mercredi de Matt Lesiewski. Et puis d'autres interviews à venir, il y en a encore quelques-unes dans les tuyaux, quelques trucs assez intéressants qui se trament sur le site. Donc n'oubliez pas la version écrite de Comic Stories, il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent. On se retrouve en juin pour un nouveau numéro de Comic Stories version audio avec de nouvelles chroniques. Il y a énormément de choses dont on a envie de vous parler. C'est terrible. Il y a tellement de choses dont on a envie de lire et tellement de choses dont on aura envie de vous parler. Mais la vie est question de choix, malheureusement. Messieurs, merci pour cette deuxième salve de mai. On se retrouve assez vite, j'espère, pour une nouvelle salve de chroniques en juin. On aura encore pas mal de choses. Il y a de très belles choses qui arrivent, qui sont annoncées pour le mois de juin. Donc je pense qu'on a encore de belles heures devant nous à discuter. D'ici la prochaine fois, évidemment, prenez soin de vous et bonne lecture. À bientôt. À bientôt. À bientôt.